Énergie, bon week-end tout le monde. Énergie Music Awards 2013. Bon, et c'est de la folie, c'est la journée continue spéciale Energy Music Awards 2013. Il y a quelques instants, on était avec la section d'assaut. Et là, on enchaîne les stars, The Queen, The Voice. Alicia Keys est avec nous. Ouais. Je suis le plus heureux. I am the happiest man in the world. Oh. En plus, j'ai fait des progrès en anglais. T'as progress vu, hein, in English, pas mal. Parce qu'il y a quelques semaines, c'était pas sans ça. Faute, hein. Bon, Alicia Keys est avec nous. Welcome, Alicia. Thank you, I'm so happy to be here. Very content d'être là. Very nice to meet you. Mais alors, very, very, very, very nice. Je sais qu'hier, c'était ton anniversaire. It was your birthday yesterday. It was. I'm loving it. Et j'ai un petit cadeau pour toi. Oh, he has a little gift for you. Gift. Present. Gift. Thank you. Une petite fleur en gage de mon amitié. Voilà. A token of his friendship. And happy birthday. Alors je crois qu'on a carrément. Est-ce qu'ils sont en train de chanter dehors? Parce qu'on avait prévu la surprise. Le public devant le Yacht Energy à Cannes avait prévu la deuxième surprise. Il y a le cadeau. Yeah. The second surprise was going to be from the public outside the boat. Oh. Et là, normalement, on a calé une nouvelle surprise. They might not be ready. Parce que tous tes fans sont dehors, devant le Yacht Energy. Au taquet, juste on leur a dit qu'il y avait Alicia Keys. Et donc, c'est maintenant pour toi. Can I hear? Wow! 10 heures de répétition pour ça. Wow! Vous gérez grave, Akane. Wow. How do you feel? Comment te sens-tu? I feel so good. I'm really happy. I'm excited to be here. The weather is beautiful. Ouais, yes. Pas mal la météo. Contente d'être là. And I just the energy. I mean, literally and the word. Au sens propre du terme, il y a beaucoup d'énergie. It's crazy. Ça, c'est fou. Alors, est-ce que le fait d'être maman, est-ce que ça a changé? Et puis avec le temps aussi, on a fêté ton anniversaire aujourd'hui, enfin hier, est-ce que ça a changé ta façon de te préparer à ce genre de soirée, de cérémonie, ou est-ce que tu le vis de la même façon qu'avant? The fact that you're a mom now and that, you know, you've moved on in your career, has that changed the way you prepare for a ceremony like tonight, or is it just always the same thing? You know, it's close to the same. It's all like the right kind of focus and the right type of... you know, preparation. It hasn't changed too much. It's definitely changed the rest of my life, but in regards to getting ready for a show, it's kind of stayed the same. Alors, ça a changé le reste de sa vie, mais en ce qui concerne les cérémonies comme ce soir, il faut être focus, et voilà, c'est toujours à peu près la même chose. Alors, pour les Energy Music Awards, Stéphane sont au taquet, Alicia. Il y a Elodie Aumont qui nous a écrit. Elle dit que c'est une de tes plus grandes fans. Elle a voté pour toi en 2005, en 2008, en 2010. À chaque fois, elle était dégoûtée. Elle dit, Elodie, j'étais dégoûtée, je pleurais devant ma télé. Elodie is one of your biggest fans. She voted for you like 4 years in a row. Est-ce que ce soir, c'est le grand soir? Out because you don't win, so she wants to know if tonight's going to be the big night. She artiste hopes so. Féminine internationale de l'année, c'est la catégorie. Thank you for voting for me, no matter what. Voilà, déjà merci de voter pour elle. And tonight, it's such a celebration, the day after my birthday, and just to be able to be here with you guys, I already won. Ouais, elle a déjà gagné. C'est rien que d'être là, c'est une fête, et puis c'est le lendemain de son anniversaire, donc voilà, quoi qu'il arrive, elle a déjà gagné. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ce soir sur scène? Parce que j'imagine qu'elle va mettre le feu. Le nouveau titre s'appelle Girl on Fire, donc je me dis gonna voilà. Put the stage on fire tonight. What's definitely, gonna happen? Absolutely, you're gonna feel the heat. Vous allez sentir la chaleur. Et un petit mot aussi sur la tournée, parce que c'est sold out, notamment à Bercy, où il y a une nouvelle date qui a été lancée le 25 juin. Donc 18 juin à Lyon, 22 juin à Marseille, c'est avec énergie, hein, 24 juin à Bercy. Nouvelle date, c'est le 25 juin à Bercy. Un mot sur justement ces concerts en France qui se remplissent, les fans de plus en plus importants, ça va être génial. Yeah, the concerts are all sold out. They added an extra date. Can you tell us a little bit about what's going to happen on tour? The show is going to be so good. You know, everything about this new time in my life is all about like liberation and just finding your own strength, and I think that the show is going to reflect that, and people are going to love it. I mean, music is going to be powerful, voice is going to be powerful, imagery is going to be powerful, and we're going to have a good time. Le show va être incroyable, ça va refléter tout ce qu'elle ressent en ce moment dans sa vie à elle, le côté femme libérée, donc ça va être à ce sujet-là, et puis la musique va être incroyable, les effets vont être incroyables, voilà, ça va être un show assez incroyable. Elle est juste sublime, elle est juste canon. Alicia Keys ce soir en live sur Energy et TF1 pour les Energy Music Awards 2013. Je te présente Lina, qui est une de tes plus grandes fans. She's one of your biggest fans. This is Lina. Hi. How are you? I'm fine, thank you. Good. So you're just hanging out today? What? Just here? Yes. Elle se cherche en anglais, non, mais d'accord, très bien. Non. Oh, voilà. Lina, je crois que t'avais une question pour Alicia Keys. She has a question for you. J'aurais aimé savoir comment vous habillerez ce soir pour la cérémonie. She wants to know what you're going to wear tonight for the awards show. Oh, well, I think for the performance, I'm going to have something that's... kind of tough, but still, you know, beautiful. And then before the performance, I'm still deciding. Alors, il y a une tenue pour quand elle sera sur scène. Et la tenue d'avant, elle est encore en train d'hésiter. Voilà, il y aura deux tenues. Bon, en tout cas, elle nous a fait un très joli cadeau. Thank you very much. Merci d'être venue. Thank you. Elle va te faire un très joli cadeau, yes. Lina. And your gift to her Alicia. Is a ticket for tonight. There you go. Et voilà, thank une you. Invitation. All right. Lina, ce soir, tu es en face d'Alicia Keys pour le grand live, la grande soirée des Energy Music Awards 2013. Félicitations, bravo. Merci Lina. Merci. Wow, merci Alicia good. Ce soir. Thank you. I'll thank see you tonight. You. Good show tonight. Thank you. Thank you very much. Ouais, merci. C'était Alicia Keys, juste sublime. Ne ratez pas la cérémonie ce soir, 20h50 sur Energy et TF1. On va se régaler dans un instant la suite de nos invités parce que c'est pas fini. On est là jusqu'à 18h, 19h la montée des marches. Vous saurez tout, vous vivrez tout. Il y a toutes les images, il y a des caméras qui n'arrêtent pas de filmer sur ce yacht Energy Abyss Yachting. Donc vous avez toutes les images sur energy.fr. Et là tout de suite on s'écoute Emily Sandé. Il est 16h05. Soyez les bienvenus. Bon week-end.